l'été moscovite, et j'étais à Moscou. La terre est si petite, on se rencontre un peu partout. Elle m'a dit, y a-t-il bien Youbliou, mais viens danser quand même. Pourtant, y a-t-il bien Youbliou, ça veut bien dire je t'aime. Elle m'a dit, je veux danser pour oublier que avec moi, j'ai du chagrin. Là-bas, il y a des musiciens. Elle était moscovite et j'étais à Moscou. La terre est si petite, on se rencontre un peu partout. Let's go.